Chapitre 4. Michel Gritti chez Giulia Contarini. Le lendemain, vers le milieu du jour, Michel Gritti, qui avait passé la matinée à maudire les heures boiteuses, montait lestement les degrés de la terrasse qui s'étendait devant la porte principale du palais Contarini. Presque au même instant, un jeune homme pâle, l'œil grandi par ce cercle bleuâtre que creuse une nuit d'insomnie, entrait dans le palais Giustiniani sur le quai en face. Michel Gritti n'eut que la peine de se nommer au laquais qui lui avait ouvert la porte, et il fut aussitôt introduit dans une salle tendue en cuir de cordoue à grand ramage d'argent. Près d'une fenêtre qui donnait sur le canal, et qui tenait tout le fond de la pièce, la tante de Giulia était assise dans un fauteuil gothique qu'un caprice bizarre, ou peut-être le désir d'avoir une vue plus étendue, avait placé sur le large piédestal d'une statue romaine. Le nom de Caracalla, qui se lisait encore à la vase du socle, indiquait que, selon toute probabilité, la vieille dame occupait la place de cet empereur païen. Elle travaillait à une tapisserie d'une immense étendue, dans laquelle on voyait avec surprise des oiseaux de couleurs éclatantes et de forme impossible, perchés sur des fleurs colossales, comme des scarabées sur des vases japonais. La bonne dame avait commencé cet ouvrage héroïque dès son enfance, et ses doigts de matrone continuaient d'en pousser activement la trame qu'elle semblait avoir mesurée avec précision sur celle de ses jours. Si remarquable que fût le tableau que formait à elle seule cette tante, pour ainsi dire merveilleuse, Gritti n'y prit point garde en entrant. Il ne vit que la dernière des Contarini agenouillée sur un pan déroulé de cette tapisserie interminable, et jouant avec une levrette aux formes grêles, souples et onduleuses comme celles d'un serpent. Giulia se cachait tout entière derrière une des fleurs tissues dorées de soie. Puis, se dégageant brusquement, elle causait à sa levrette des frayeurs terribles que la gracieuse bête semblait exagérer à plaisir. À l'entrée de Gritti, la tante se dressa sur son piédestal et Giulia sur sa tapisserie. La levrette sauta aux jambes de Gritti. Gritti avait tout prévu et s'était préparé à tout, excepté à ce puéril incident. Il en fut troublé. Giulia s'en aperçut et se mit à rire. « Ah bah, Fiamma, ah bah !» dit-elle, pendant que sa tante souhaitait solennellement la bienvenue au gentilhomme. « Ah bah, mauvaise, venez ici et cachez-vous. Fille, vous nous laissez surprendre. Vous laisseriez égorger votre maîtresse sans souffler mot. » « Cette pauvre bête, » interrompit Michel Gritti, « a eu l'instinct de deviner en moi un homme qui, tout étranger qu'il est à cette maison, donnerait sa vie pour vous, signora. Un homme qui n'apporte pas ici le danger, mesdames, mais qui l'y trouve. » « Ce sont de belles phrases, cela, messer Michel, » répondit Giulia en hochant sa jolie tête blonde, d'un air de doute et de bouderie. « Suffit-il donc, excusez mon inexpérience, mais je ne connais pas le monde. Suffit-il, un cavalier, d'avoir vu une jeune fille s'évanouir par hasard dans une église pour être prêt à lui donner sa vie ? Vous permettez, ma tante, que le seigneur Gritti me dise cela pour mon instruction ?»« Ma vie, signora, » reprit Michel Gritti d'un ton plus grave, « est un don que je n'ai fait que vous renouveler hier. Elle était à vous depuis un mois. » À ce mot, Giulia, se retournant par un brusque mouvement, bondit jusqu'au piédestal où sa tante se tenait debout, attendant le mot de cette énigme, dans l'attitude roide et sévère d'un point d'interrogation. « Ma tante, » lui dit-elle d'une voix câline, « ma chère petite tante, il faut vous en aller. » Outre que le parti que lui proposait sa nièce n'était point de nature, elle lui expliquait le mystère qui intriguait son esprit. La vieille dame trouva dans la proposition je ne sais quoi de peu convenable en présence d'un étranger. « M'en aller, ma fille ? » dit-elle avec un peu de colère. « Je vous en prie, chère tante, allez-vous-en. Il le faut absolument. Ah, tant pis. Vous m'avez gâtée. Vous voyez ce qui arrive. » « Pauvre tante, » ajouta la petite fille en lui baisant les mains, « écoutez. J'ai parlé très sérieusement au seigneur Gritti, je vous assure. Avez-vous confiance en votre Giulia, oui ou non? Il s'agit de mon bonheur, de ma vie. D'ailleurs, vous écouterez la porte, si vous voulez. Vous verrez que je ne lui dirai rien qui ne soit digne de nous deux. » Et comme elle vit sa tante descendre lentement des trois marches du piédestal, « Vous voulez bien, » reprit-elle en frappant dans ses mains, « que vous êtes bonne, que je vous aime. Eh bien, encore une grâce, soyez tout à fait charmante, n'écoutez pas à la porte. » Et la jeune fille, pour cacher la rougeur qui avait envahi ses joues, demeura le front appuyé contre la fenêtre, pendant que la bonne dame saluait Gritty avec un peu de confusion et se retirait en murmurant les mots de fantaisie, de caprice et d'enfant gâté. Julia, quand elle se retourna, n'eut pas lieu de craindre que Michel Gritty la fît repentir de la faveur qu'elle lui accordait. Le pauvre gentilhomme, précisément à cause de la grande expérience qu'il avait en matière d'intrigue amoureuse, se trouvait dans la perplexité d'un voyageur qui vient à s'égarer dans un chemin qu'il fait tous les jours. Il demeurait indécis sous ce regard simple et virginal, comme un lion arrêté devant un petit enfant qui le regarderait naïvement dans les yeux. Julia sourit, et sautant sur le piédestal où sa vieille parente avait établi le siège de Sa Majesté, « Ce fauteuil, dit-elle gaiement, me prêtera peut-être un peu de gravité. Asseyez-vous, messeurs, j'ai de sérieuses paroles à vous dire. » Appuyant alors son coude sur un des bras du fauteuil, et passant une main dans ses boucles soyeuses où riait le soleil, elle se recueillit un moment, les yeux baissés, dans cette pensive attitude. « Messire Michel, reprit-elle d'une voix lente et triste, vous ne vous êtes point trompé, c'est bien moi que vous cherchez. Vous m'espériez autrement, n'est-ce pas? Vous vous attendiez à quelque belle tête poétique et désolée? Vous voyez, j'ai 16 ans, et pour toute beauté, les couleurs qu'ont toutes les jeunes filles à mon âge. Je voudrais être plus belle, pour ce que j'ai à vous dire. Mais d'abord, apprenez-moi si un homme comme vous, qui a mené la vie d'un soldat et d'un galant, une vie de danger et de plaisir, conserve le souvenir de sa mère. « Un souvenir sain et respecté, signora. Je réponds pour moi, » dit Gritty. « Que l'image de votre mère soit donc présente entre vous et moi, je vous prie, tout le temps que je vous parlerai. Écoutez-moi. J'espère que vous n'allez pas confondre ma franchise avec celle des femmes que vous aimez, dit-on. Qui vous aime, au moins. Mon Dieu, comment vous dire cela? Je voudrais que vous fussiez mon frère, messire Gritty. Oh, je le voudrais. Alors il me serait permis de prier pour vous à haute voix, de pleurer sur vous, et non pas de ces larmes cachées qui brûlent les joues. Cher signora, s'écria Gritty, s'élançant vers la jeune fille. Mais elle étendit la main, lui faisant signe de ne point l'interrompre. C'est un rêve que j'ai fait, continua-t-elle sur un ton bas et enthousiaste, tandis que ses joues enflammées portaient témoignage de la sincérité de ses paroles. C'est un rêve que j'ai fait un matin, en vous voyant passer de ma fenêtre avec vos compagnons de fête. Ils portaient tous sur leur visage la trace des souillures de leur vie, tous, excepté vous. J'avais entendu parler de vous, et je vous avais pris en aversion. Quand je vous vis, je me figurais qu'on m'avait trompé, que vous n'étiez pas ce qu'on pense. Je me dis que peut-être Dieu avait épargné la flétrissure à votre âme, comme il l'avait éloignée de votre front. Je suis superstitieuse, messère. J'ai trop vécu, sans doute, dans la solitude. Les idées qui me viennent, je les prends pour des inspirations divines. Voilà mon malheur. Je m'épris de la pensée qu'il suffirait de cette pauvre main pour vous tirer de cette vie malheureuse où vous étiez plongé. Je crus que Dieu me faisait un devoir de le tenter au moins, et voilà pourquoi je l'ai tenté, messère. Mais à présent, je sens que je m'en repens, que j'ai eu tort. Oh, je m'en repens cruellement. Et Julia cacha sa tête dans ses deux mains, entre lesquelles perlaient des larmes diaphanes. Gritty, remué jusqu'au fond du cœur par le langage, si nouveau pour lui, de ce naïf intérêt, inclina le genou jusqu'à terre. « Parlez, signora, il n'y a rien que je ne sois prêt à faire pour vous enlever jusqu'à l'ombre du repentir. » Julia releva la tête. « Je n'aimerai jamais, reprit-elle, que mon époux, vous le savez sans doute. C'est un titre dont je deviendrai digne, signora. » Si un homme le peut. Soit, mais je dois vous dire que je vous éprouverai longuement, messer Michel, car il ne faut pas que vous croyiez que j'ai joué la comédie avec Dieu et avec vous. Ordonnez, signora, dit Gritty. N'y a-t-il pas cette nuit chez une femme qu'on nomme la Dolphina, une fête à laquelle un galant en renom comme vous ne peut manquer sans se discréditer? Où voulez-vous que je passe cette nuit, signora? Sur les marches de Sainte-Marie-Formose. « Je vous verrai d'ici. Remarquez que demain tout Venise le saura. « Voulez-vous dire, signora, demanda-t-il, que vous me défendez de me venger des outrages qui me seraient faits à ce sujet ?»« Oh, pour cela, non, répondit la jeune patricienne. « Si j'étais homme, je ne souffrirais point d'outrage. » Il est vrai, reprit-elle après un instant de réflexion, que Saint-Pierre fut réprimandé pour avoir tiré l'épée. Mais vous n'ignorez pas, sans doute, messer Michel, que Saint-Pierre n'était point gentilhomme. » En achevant ces mots, Giulia avait sauté à bas du piédestal, puis elle ajouta « je m'en vais, adieu, messeurs, je vous en ai trop dit. » Vous jugez peut-être mal, ma tante, à cause de la faiblesse qu'elle a pour moi, mais je vous dirai qu'elle ignore toute ma folle histoire avec vous. C'est un vieux serviteur de ma maison qui a été mon complice. Ma tante a un cœur d'or, elle me permet tout. Je marche sur sa tapisserie qu'elle chérit comme une patrie. Je l'appelle ma tante Caracalla parce qu'elle a succédé à je ne sais quel sultan de ce nom sur ce piédestal. Elle ne se fâche de rien. Aussi, je l'aime comme une mère. Allons, venez, Fiamma. Faites voir à Ser Michel Gritti comment sa femme lui fermera la bouche, si jamais un méchant débauché comme lui mérite d'avoir une honnête femme. » Et la jeune fille emprisonnait en riant dans sa petite main le museau délié de la levrette. Puis elle fit à Gritti une profonde révérence et sortit de la salle.